Oui, ok. Line. Line de 1. Mes écouteurs sont pas branchés. Ça commence toujours très bien. Je crois aussi que mon son est un petit peu trop fort. Voilà. J'aimerais que ce soit une blague. Attends un petit peu, Liney. J'aimerais que ce soit une blague. Mais mon disque de musique n'est pas encore prêt. Et c'est la vérité. Donc, le générique ne peut pas partir. Les chansons ne peuvent pas s'enchaîner. Mais c'est pas grave. Je tiens l'émission entre mes mains depuis 20 ans ou presque. Nous sommes le 25 décembre. Nous parlerons pas de l'événement qui se passe actuellement sur la planète. Événement, bien sûr, capitaliste. Événement qui ne tient, malheureusement, souvent qu'à l'argent. Capitaliste argent, hein? Voyez-vous venir l'affaire? Donc, je prononcerai même pas le mot qui commence par un N et finit par un L. Non. Et ce n'est pas nouvelle. Hein? NL, nouvelle, ça rappelle nouvelle. NOUVELLE. Elle met en des L. Puis après ça, tu places le E si tu veux, t'en places pas. Parce que là, si tu veux faire comme le 25 décembre que l'on appelle nouvelle. Ah! Bienvenue à la nouvelle émission d'Errance Rénaldienne. En ce beau 25 décembre 2023, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki. En direct au studio des Abbesses dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le numéro 1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous présente Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné. Mais c'est même pas le générique. Mais on s'en offre, hein? On s'offre la totale. T'sais. Pourquoi pas? On mérite le meilleur. C'est-à-dire Rénald Gagné. Oh, hey, arrête de te vanter. Toi, je me vante pas. De un, vanter vient-il du mot vent? Ah! Ça serait bon de faire une recherche, là. C'est pas le moment de faire une recherche, là. J'ai pas réussi ma dinde. Ben, wow, wow, wow, wow, wow. C'est pas de ma faute si ma tante s'est mis trop de maquillage. Non, je parle pas de cette dinde-là. Celle du four. Ah, mon dieu, on l'a pas rentrée dans le four, elle, ma tante aussi, avec son, oui, son beau rouge à lèvres. J'ai dit, ça va remplacer la carotte, le rouge à lèvres rouge de même, c'est assez laid. Elle sent en plus, elle sent le parfum. Bon, ben, hey, elle n'a pas les moyens financiers, puis elle se met du parfum. Oh, quel mauvais goût. Lave-toi, ma tante. Pas besoin de mettre du parfum si c'était hygiéniquement préparé. Puis là, il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde à soir qu'on va mettre les bottes dans le bain ou les bains dans le botte. Elle essaie de rentrer un bain dans les bottes, oui. Mais c'est bien mieux de mettre les bottes dans le bain. Les bottes dans le bain, ben le bain, le bain, le bain. Moi, j'ai juste une douche. Depuis quand t'as une douche? T'es en quelle année? Mais 2023, ça se termine dans une semaine. Non, non. Attends un petit peu, toi, là. Parce qu'en 1970, les manteaux, on les mettait sur le lit. Tu t'en souviens? Sur le lit des parents. On appelait ça de même, le lit des parents, de papa et de maman. T'sais, les manteaux de fourrure qui puent parce que l'autre fume, puis les manteaux d'hiver de mon oncle avec hein, le foulard, puis ah ouais, donc, puis nous autres, on se garochait d'un manteau, puis là, on mettait les bottes dans le bain, comme je dis depuis tantôt, puis il n'y en avait pas de problème à embarquer, entrer chez nous, puis mon oncle Gaston, lui, qui nous invitait à Rive-Sud, celui qui avait les Marie-Antoinette, lui, il a essayé des skis. Hey, j'aimerais ça l'inventer, mais c'est vrai. Nous autres, on est une gang de cinglés et je suis heureusement le grand. Oui, c'est moi qui qui reprend le flambeau et qui ne l'a jamais lâché. Mon oncle avait reçu des skis de fond. Et pour les essayer, et j'aimerais se mentir, mais il a mis de la neige dans son salon. Hey, aujourd'hui, essaye de hey, voyons, on va tout briser le plancher flottant. Hey, à l'époque. Ah ouais, embarque ça, ah, mets-en de la neige. Puis, mon oncle a essayé ses skis dans son salon. Puis là, il y avait plein, dans la cuisine, il y avait plein de petits verres. Aujourd'hui, là, je sais qu'on appelait ça des shooters. Hein? La version française, c'est des cul secs, hein? On va dire des vins cul secs. Alors, il y avait plein de vins cul secs, parce que je préfère ça à shooter. Il y avait plein de vins cul secs qui jonchaient la table et surtout à côté du levier, donc à côté du lavabo. Et là, à un moment donné, j'avais soif, puis on était chez mon oncle Gaston, toujours là. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Bon, bon, tic, tic, tic, tic. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Puis là, tu sais, entre deux, comment t'appelles ça, les hamburgers à mon oncle, les poussins, non, voyons, c'est pas des olives, hey, attends un peu là. Des tempos, entre deux tempos, hein, mon oncle me chantait, puis faisait du ski, puis s'amusait. Puis il y avait oui, comme je l'ai dit, des verres à oui. Exactement, igloo, mais c'est juste un igloo, parce que c'est un once, hein. Là, j'avais soif, puis je dis à mon oncle, j'ai dit, y a-tu de l'eau? Il dit, ben oui, tu vas voir, là, va voir à côté du lavabo, là, puis là, je voyais plein de verres, fait que j'en prends un. Et là, j'avais quoi? 8-9 ans. Et j'avale. Et c'était du gin pur. Là, j'ai dit, mon oncle a voulu me tuer, je sors de la cuisine, devant moi dans le salon. Mon oncle a voulu me tuer, là, je pleurais. Hey, c'est fort pour un enfant, là. Du gin pur, 40%. C'était pas du day caper, heureusement. C'était du gin traditionnel, là. Là, tout le monde riait, hein, puis là, ma mère, un mandou, alala, tatatou, les titis, les titis. Je m'en souviendrai toujours, hey. Même j'avais peut-être 7-8 ans. Moi, j'avais 7-8 ans. Et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Ah, mais avant de mourir, il m'a dit, « Hey, peux-tu en avoir un petit verre, s'il vous plaît? » T'sais, avant de mourir, on va s'offrir le meilleur. Là. Oh, oh, oh, oh. Même s'il y a une guerre, hein, ouais, celui de la Russie. Là. Ah oui, la Volga de Russie, la vraie bonne Volga, là, pas la Volga de non, on n'en nommera pas. Là. Puis je pense que c'était pas de la Volga, mais du gin. Mais hey, à cet âge-là, je savais, mais encore aujourd'hui, tu me fais goûter, tu me le dis pas, c'est quoi? Ah, moi, je pense que je pourrais savoir la différence. Ouais, parce que la vodka, ça a un goût particulier. Je le préfère au goût du gin. Fait longtemps que je n'ai pas bu ça, du gin, moi, là. Ah, tu sais, on appelle ça de l'alcool fort. Plus fort que le Grand Antonio. Plus fort que Batman. Plus fort que Terminator. Plus fort que Rocky. Adrien. Plus fort que tout ce monde-là. Puis là, faites-vous-en pas. Mon disque est en train de... Pas de brûler, non. C'est quoi? Non, mais... parce que dire qu'un disque brûle, ça sent pas, heureusement, là. Puis j'ai pas aussi chez moi des jets d'eau. Tu sais, quand il commence à faire un peu de... avoir un peu de boucan, là... Puis là, le système d'alarme se met à gueuler. Puis là, les jets d'eau suivent normalement. Là. Moi, je n'ai pas de jets d'eau. Ah oh, non, oh, non, non. On dit brûler un CD ou... je m'en souviens plus du terme. En tout cas, je suis en train de graver. Ah, graver. Mais encore là, ça ne grave pas. Puis ça ne brûle pas non plus. Je suis en train de faire une copie. Honnêtement, un CRTC, Cérénal. Oui, nous sommes le 25. Oui, tout le monde est presque arrivé. Il manque toujours c'est toujours les mêmes, hein, qui sont pas là. Oui, mais ils ont dit qu'ils allaient être là. Puis surtout, moi, qu'est-ce que je demande? Il faudrait que j'arrête de le dire, là. Il faudrait que je cesse en 2024. On est en 2023, donc je me donne encore une semaine. De dire toujours les mêmes affaires. Tu sais, c'est des enchaînements. Les enchaînements sont continuellement semblables. Puis si c'est continuellement, normalement, c'est semblable. Parce que si c'est pas semblable, c'est pas continuellement. Une répétition, c'est comme, tu sais, tu dis je me répète constamment, ben si tu te répètes, c'est certainement constamment, hein? Sinon, tu te répètes pas, puis c'est pas constamment. Un amène l'autre. Donc, on parle souvent deux fois de la même chose pour zoomer, pour montrer, pour présenter un sujet qui revient tout le temps. En un mot, c'est presque du radotage. Ah, et puis là, il reste même pas une minute à cette gravure, parce que c'est écrit gravure, hein, progression de la gravure, et voilà. Et le générique que j'ai fait oralement, et qui suivra, mais là, au moins, il y aura la musique de Elvis Presley avant d'entrer en scène. Hey, tu t'en souvenais-tu? J'espère que tu m'écoutes à tous les semaines, là, hein? Depuis quoi? Trop longtemps? Oh, t'es pas gentil, ma belle Gisèle. Moi, je t'aime depuis jamais assez longtemps. Ah, oh, ça fonctionne-tu, ça? Hey! On a déjà fait des intros plus longues que ça, mais 11 minutes. Non, 13 minutes? Ah, 11 minutes. On a-tu 11 minutes? Bon, OK, merci. Le monte ici. Place ça comme ça. Comme ça ici. Tu fermes ça. Puis, hey, les premières 60 minutes, là, ce sera le chanteur que vous entendrez après le générique. Alors, on y va. Aujourd'hui. Vas-y. Aujourd'hui, le lundi 25 décembre 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Mes amis, bonne émission. Hey. Merveilleux. Hein? Regardez ce papa. Il est derrière la scène, stressé. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici, avec lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Vas-y, Caillouche. Pendant la première heure, ce sera simplement du Caillouche mur à mur. On va se faire plaisir. Je me la ferme et il se la ouvre à l'instant. Vous pouvez danser, sortez du bain, les bottes sont là, tirez votre manteau sur le lit, on commence à se voir. L'alcool au volant, c'est criminel. La bière bien chaude puis la poche de gel. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté à toutes les 5000 pour pisser. Même si t'as gradué, même si que t'es âgé, tu vas te faire pogner. On parle la GRC. Tu as l'air ben cocoon, mais que tu sautes d'un ballon, ben c'est ben mieux que de se faire tuer. L'alcool au volant, c'est criminel. La bière bien chaude puis la poche de gel. En drivant, t'es tout le temps arrêté à toutes les 5000 pour pisser. Solo. Quand tu t'aimes dans le chemin, avec un short dans les mains, c'est cruel. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté à toutes les 5 000 pour pisser. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté à toutes les 5 000 pour pisser. Oh yeah! De un, c'est la première fois que ça m'arrive sur mon CD. Je vois pas le temps passer. Ah, OK, c'est revenu. Alors, j'aimerais dédier cette émission à tous les gens qui sont seuls, dans les prisons, dans les centres de personnes âgées. Non, c'est pas la même chose, non. Et j'espère. Et chez vous, dans votre 2,5, devant, assis sur votre chaise, berceuse, berçante, votre, comme on dit en France, dans votre rocking chair. Et on se la souhaite belle, on se la souhaite bonne, on s'en fait pas trop, ok? On passe une bonne émission, comme d'hab, il y a pas de changement. Les secondes passent comme avant, les minutes aussi, les heures, les journées, ça devrait se suivre. Et tout ira bien, donc, sauf mon émission. Je me mets-tu de la pression, Raymond, là? Je sais pas comment ça, je mérite pas ça. Je mérite pas d'aller au ciel. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a trop de monde en haut. Et puis, ben, j'ai rien contre les gens qui sont au ciel en haut, là. Mais moi, je préfère dans le corridor. Parce que dans le corridor, tu vois passer tout le monde. Ceux qui vont au ciel et ceux qui vont en enfer. Oh, vous avez jamais voyé... Oh, vous avez jamais sorti en... Oh, mon Seigneur, votre corps est toujours resté... Ah, vous êtes pas... Ah, oh, mon doux. Fait que peut-être ce soir, on va vous apprendre à comment sortir de votre corps. Mais pas... Non, sortir de votre corps, mais pas de votre cœur. Ah. Quoique... votre cœur. Votre cœur. Oui? Jean-Marc, votre cœur. Programmateur d'amour par excellence. Vous me connaissez pas? J'ai fait la une, mais dans la troisième page du Guinness. Pour avoir programmé les couples les plus connus au monde. C'est moi, là. Tu sais, Tom Cruise, tu connais Tom Cruise? Nicole Kidman? Ben, c'est moi qui les ai présentés. Je savais qu'il y avait... Non, mais moi, j'étais sur le plateau. Non, jamais je vais nommer le film parce que les gens vont dire « Ah, ben là, il devrait pas parce que le réalisateur n'a pas demandé. » C'est vrai, puis je ne vais pas me mettre dans la schnattles. Et puis la schnattles, je la connais, mais pas tant que ça. Ça fait que moi et puis Nicole Kidman, j'ai dit « Écoute, Nicole, je sais que tu me trouves très sexy. » Oui, et à travers mes 4 paires de lunettes, parce que je voyais tellement pas à cette époque-là, parce qu'en fait, j'avais pas acheté ça à ma vue. Fait que je rachetais des lunettes, mais pas très fortes, pour vérifier vraiment la force que je devais avoir. Mais cette force-là me disait que ça prenait 4 paires de lunettes pour avoir ma vision. Fait que là, ça n'a pas de bon sens, hein? La vie, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Le grand prophète Nostradamus m'a dit, c'est pas compliqué, tu prends une paire de lunettes avec des verres très, très, très, très, très, très, très épaisses et tu lis raffine, ouais, c'est comme quand tu fais un beau meuble, tu rabotes. Fait que tu rabotes ta lunette. Ta vite, tu rabotes. Mais pas également, parce que les yeux n'ont pas une vision identique. Excuse-moi de t'apprendre ça ce soir, là. C'est dramatique. T'as l'estomac qui noue. C'est la dinde. C'est la dinde, c'est parce que j'ai dit, mais pas la rouge à lèvres de la bonne femme, là, de ben, ma tante. Ils sont rendus une bonne femme. Tellement bonne. Elle a fait des petits gâteaux pour tout le monde. Elle appelle ça des tipettes. Ça, c'est un petit gâteau rond, OK, avec du petit crémage dessus. Puis, surtout qu'elle met des petits bonbons sur le dessus. Et sais-tu comment on appelle ça quand tu commandes ça en France? Excuse-moi avec la France, là. Tu sais, quand tu demandes un cornet, ouais, on te demande ce que tu veux comme topping. Je dis topping du carpicone ou topping du cancer? Ben, il faudrait que j'appelle Henri Miller. M'appeler Henri Miller. Henri! Ah, ouais, mais là, il a tapé, là, parce que lui, il est dans le corridor, là, où je m'en vais bientôt, là. Hey, Henri? Oui, c'est. Tu m'as reconnu? Ben oui, je fais toujours l'excellente émission. Oh, ouais, non, ouais, Henri, Henri, Henri, Henri, Henri, Henri. Hey, Henri, Topping, c'est-tu Topping? Pourquoi on l'appelle Henri? On se demande, hein? J'ai dit, on va appeler Henri Miller. On va y. Hein? Bon, en tout cas, au moins là, faudrait réécouter l'émission. T'as-tu le temps, Raymond? Moi, j'ai plus de souffleuse, là. J'ai des essouffleuses. Elles sont tellement fatiguées. Ils marchent dans la neige, dans la neige, dans la neige. C'est normal! C'est ton premier hiver au Québec, toi, là! Si oui, moi, tout te raconter. Sinon, ben, tu le sais, puis habitue-toi! Allô, c'est pas le dire, ça fait 59 ans qu'elle est dans Chenoute, parce qu'elle vient de la Floride. Elle est restée 8 ans en Floride, elle nous dit tout le temps. Là, je suis à l'aube de la cinquantaine. Si je sais compter, c'est 60, OK? Puis qu'est-ce que tu veux, toi? OK. Parfait. Hey, non, mais je voudrais dire à tout le monde, là, lorsque je suis venu au monde, puis avec les années, on m'a dit, hey, toi, t'es un dur à cuire. J'ai dit, oui, je suis un dur à cuire. Mais un facile à bouillir. Oh, on y va. Hein? On y va. Vous swinguez des bras. Parce que, attendez, pour les gens qui sentent là, du sous de bras puis qui ont oublié de mettre du désodorisant, quand vous bougez comme une dinde, c'est. Bougez de même. Ça fait de l'aération. Comme ça, tout le monde n'est pas obligé d'endurer toute votre senteur étrange venue d'ailleurs. On y va. OK. Là, tu peux swinguer. Là. Swing, swing, swing dans ma gueule, dans le fond de la boîte à bois. Swing, swing, swing, swing dans ma gueule. Bon, c'est ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un empire avec mes amis. J'aimerais sauter, prendre une douce. Bon, c'est ma musique, c'est ça ma vie. C'est bien le fun quand ça start le matin. J'espère le déjeuner, j'ai beau pain. En arrêt, trop peut-être bien dîner. Mais j'pense ça va être pour une petite bière. Bon, mais c'est ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un enfant avec mes amis. J'aimerais sauter, prendre une douce. Bon, mais c'est ma musique, c'est ça ma vie. Tu rides des japonais, moi ça me fait rien. Tu sais quand de roues on est bien. Mais mon remorque est à la tavane. Mais toi tu es parqué sur tes portes. Bon mais c'est ma musique, c'est ça ma vie. Et prendre un enfant avec mes amis. J'aimerais sauter prendre une douce. C'est ma musique, c'est ma vie. Un pour cent, puis je fume mon petit joint de temps en temps. C'est de grève les chemins sans bobo. C'est mieux de patcher les trous que de patcher le dos. Bon, mais c'est ma musique, c'est ça ma vie. Puis prendre un alpine avec mes amis. J'aimerais sauter prendre une douce. Mon musée, ma musée, c'est ma vie. Ouais, mon musée, ma musée, c'est ma vie. Ma musique, mon c'est ça là. Oh, vas-y. Pourquoi il rit, lui? Hein, attendez, là. Comme, on va juste écouter la fin. On a-tu le droit d'écouter la fin? Ah ben, y a-tu raconté l'histoire du gars? La connais-tu? C'est l'histoire, non, mais c'est l'histoire du gars qui se fait couper les cheveux, OK? Ça fait qu'il dit à son chum, il dit, essaie de me faire une phase avec Gorille. Ben, Gorille, c'est pas la chanson de Brassens, Garogori. Non, non, non, non, non, non, c'est pas celle-là. Il dit, Gorille, ah non, arrête, te cherche pas trop loin, là. Depuis que je me suis fait couper les cheveux, les gorilles de moi, j'ai déjà fait celle-là. Ah, c'est deux oranges, deux belles oranges, c'est Il y a des choses, il y a des choses qui se passent à soi, qui se passent à soi, qui se passent à soi. Deux oranges devant une porte. Une dit à l'autre, hey, son kiss! Il n'y a pas de rire en canne, ici. On devrait, ici, pas ici, ici. Parce qu'ici, là, c'est pas ici. Ici, on sait pivard, on sait pas ce que c'est. Mais ici, c'est là, c'est droit, c'est sec, c'est ici! Ça se passe où? Ah, ça se passe ici. Tu sais, ça, ici, c'est vague un peu ici. Si on te repose la question, hey, ça se passe où? Ça se passe ici! Tu sais, ça, on s'arrête! C'est pas comme quand tu veux acheter sur Internet. Tu vois sur Facebook, tu sais, dans la petite affaire, là, acheter et gueuler. Là, tu veux savoir où le bonhomme habite. Là. Tu es bien beau acheter un 45 tours de Jean-Pierre Ferland. Là. Qu'est-ce que ça peut bien faire si je mène ma vie tout à l'envers? Je l'aime, cette chanson-là. En plus, c'est en spectacle. Dans les années 70, pas les années 90-2000. Là. C'est à l'origine de... Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène ma vie tout à l'envers? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire que... Hein, pardon? Non, non, c'est pas moi, Jean-Pierre. Ouais, mais je suis habité par tous les personnages que je fais. Je suis pas... Moi, je suis pas imitateur, parce que si j'aurais été imitateur, j'aurais fait... Oh, bonsoir. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène ma vie tout à l'envers? Ça fait pas Jean-Pierre Ferland, presque pas. Mais la version Raymond Lévesque. Bonsoir. Je suis Raymond Lévesque. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène ma vie tout à l'envers? Un autre, hey! Comment il s'appelle, donc, les vieux pianos? Claude Léveillé. Oh! Oh, qu'est-ce que ça peut bien faire? Oh, on dirait Félix Leclerc, hein? Oh, mon Félix! T'es-tu dans le corridor au ciel, toi? Hey, t'as-tu rencontré mon ami Charles? Oui! OK! Parce que j'ai une oreillette, je peux pas vous placer ça en onde, parce que là, en haut, là, c'est loin. Est-ce qu'il y a des sentiers au ciel, mon Félix? Ah, OK, c'est... Okay, mais là, c'est pas... Okay, non, la chanson, c'est... Hein, près du ruisseau, mais là, c'est près des cratères. Il y a des cratères au ciel. Je sais qu'il y a des crétins qui ont monté en haut, ça devient des cratères. Hein, il doit y avoir du cratère là. Eh, monsieur, c'est un ciel rempli de cratères. Des cratères rapailles. Connais-tu cratères rapailles? Oh, ça va! Hey, on veut changer ça loin, hein, la ville de Québec. On a des pliés de l'argent. On va avoir quelqu'un professionnel qui va nous dire c'est quoi le Québec? Qui vit dans la ville de Québec? Puis qu'est-ce que représente Québec aux yeux du monde entier? Hey, demande pas à crétins rapailles. Demande plutôt. au général le drôle, hein, qui y arrive à un moment donné, vive le Québec libre! Parce que quand tu vas en France, là, 80% des invités veulent faire le rigolo, et c'est drôle, là, à leur manière, ils disent, vive le Québec libre, au moins, ça fait le tour du monde, ça s'est bloqué en France, je pense pas qu'au Japon, on va dire, oui. Qui veut de la bonne heure, c'est l'autre qui devra aller dehors. Ça me dérange pas de pas fumer des restaurants. Ça me dérange pas de pas fumer devant des enfants. Mais quand je suis dans un bar avec une bonne bière, c'est là que ça me prend ma cigarette. Fume, fume, fume ma cigarette. Fume, fume, fume. Si que ça te fait du tort, c'est toutes les non-fumeurs qui veulent de la bonne heure, c'est eux autres qui devraient aller dehors. Fume, fume, fume la cigarette. Fume, fume, fume, même si ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent de la bonne heure. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Tu te casses un bras, tu vas au docteur. Il veut pas te guérir si t'es un fumeur. Tu fais un petit peu de pression, tu veux de cholestérol. On va te guérir avec des pilules. Fume, fume, fume la cigarette. Fume, fume, fume, même si que ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent la bonne heure. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Fume, fume, fume la cigarette. Fume, fume, fume, même si ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent de la bonne heure. C'est eux autres qui devraient aller dehors. J'ai commencé à fumer, j'avais rien que 12 ans. Ma mère m'a donné la permission. Des exportés, des demoriers, des players, puis des cravenés, puis dans les hard times, j'ai même voulu des bottes. Fume, fume, fume la cigarette. Fume, fume, fume, même si que ça te fait du tort. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent de la bonne heure. C'est eux autres qui devraient aller dehors. C'est toutes les non-fumeurs qui veulent de la bonne heure. C'est eux autres qui devraient aller dehors. Bon, Gaétan adore Caillouche. Puis il me dit, s'il vous plaît, peux-tu en passer une autre? Hey, avec mon ami, juste pour toi, toi, mais pas toi, non, pas toi, toi, qu'est-ce que tu veux entendre? Serge Gainsbourg? Ah, mon douche. Peut-être si t'es sage. Moins. Toi, tu veux... Mon oncle Serge, OK, mon oncle Serge, un peu plus. Mais j'ai rien contre Gainsbourg, vous le savez. Mais là, Caillouche, Gaétan va avoir Caillouche, veut l'entendre. Il a un plaisir fou. Il est roulé par terre, là, puis attends. Il veut que sa belle-femme, Gisèle, parce que c'est sa troisième femme. Oui. Étrangement, les deux autres, ont quitté cette terre. Sont dans le corridor. Pas dans le couloir, dans le corridor. Et puis c'est bizarre, avant d'aller dans le corridor, ben il a fait signer des assurances, puis oh là là, lui multimillionnaire, puis il n'y a pas d'enquête parce que c'est un bon gars. Hein, tu le regardes, il peut pas faire des affaires de même. On lui donnerait le bon Dieu, puis même le bon Dieu, il voudrait pas de lui, puis il donnerait, puis il voudrait bien, puis mais on sait pas, il vendrait peut-être ça au marché aux puces, mais le marché aux puces. La table n'est pas assez grande pour le bon Dieu. Le bon Dieu, ça prend de la place, le bon Dieu. Là. Ça prend la place de ben des cœurs, de la planète. Hein. Imagine-toi, rentrer le bon Dieu un petit endroit avec des petites tables, puis du petit monde qui vient nous chercher. Ah, on va chercher mon petit morceau de bon Dieu, mon bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, passer d'argent pour le bon Dieu. Hey, le bon Dieu est gratis. Fait que, il va laisser le bon Dieu gratis, mais voyons donc, ben non, hey, il vient d'où, lui, là, il vient d'où, ben, tu demanderas au bon Dieu, mais faut que tu l'achètes avant. Comment ça coûte un bon Dieu? Ben là, c'est ça, là, tu sais, la table, on n'est pas certain, là, on l'a acheté, mais on ne sait même pas où on va le mettre, là. C'est dur à rentrer, bon Dieu. Ben là, voyons donc, ouais, où s'en va le bon Dieu? On m'a toujours dit que le bon Dieu était partout. Ah, ben, mon Dieu, c'est ça. Hey, on nous dit, attention, toi, là, pars à temps. On a toujours dit que le bon Dieu était partout. Ben, c'est ça. Ah, voilà. OK, celle-là, hein? C'est ça, je voulais mettre celle-là. Elle est merveilleuse. On y va. Hi-ha! Une petite douce, mais le texte est lourd. Solo. L'ont-tu remarqué, il n'y avait pas de parole? J'ai eu du fun tout l'hiver à déménager. Par chez nous, il y a des pêcheurs, mais il n'y a plus poisson à ce. Quand ce qu'ils pêchaient, c'était pas pour le fun. Sur les seuls qui pêchent les autochtones. Puis les danseuses, les machines à fourrure. Avec ça, la vie est moins tôt. Si on pourrait plus travailler, puis on gagnerait toutes ces scalantes. Quand les vieux montaient dans le bois pour bûcher pour 3-4 mois, une pièce et cinq, la corde bleumée, à ce que c'est 2500 piastres pour la rapiquer. Vive les danseuses de machines à pauvre, avec ça la vie est moins tôt. Si on pourrait travailler, et on gagnerait toutes les 6,49. Aujourd'hui, y'a plus de misère. Oh non, plus de misère. Les cartes de crédit, oh, et les caisses populaires. C'est impopulaire. Sont pleins d'argent, mais faut pas que tu manques un petit paiement. Vive les danseurs, les machines à pauvre, avec ça la vie est moins tôt. Si on pourrait plus travailler, puis on gagnerait toutes les 6,49. veut tout arrêter. Avec le police pour nous chasser. Arrêtez de boire, arrêtez de fumer. Mais faut pas qu'on arrête de voter pour ceux. Vive les danseuses d'une machine à vapeur. Avec ça, la vie moins tôt. Si on voulait plus travailler, puis on gagnerait tout à 6,42. Vive les danseuses d'une machine à vapeur. Avec ça, la vie moins tôt. Si on voulait plus travailler, puis on gagnerait tout à 6,42. Ouais, on gagnerait tout à 6,42. Avec ou sans extra, y aurait-tu fini sa chanson avec ça? Hein? T'es des punch. Moi, j'ai des idées de punch, moi. Oui, le punch. Le punch est dans la cuisine. À côté des. Comment j'ai dit ça tantôt, là? Pour ne pas reprendre le terme. Tu sais, les petits verres, là. Pas les verres de terre, les verres pour boire. Les petits verres, les petits verres, des verres de terre sont remplis. Hey, mon petit verre, là, à moi, c'est Benjo. En fait, c'est pas lui le petit verre, mais lui, il aime bien aller chercher le petit verre en trimoussant, tu sais, en faisant la lambada, chante avec toi. Il est drôle, mais pas en hiver. Maintenant, en hiver, tout est surgelé. Pas surgelé, congelé. Je l'ai trouvé, c'est gelé. Tout est gelé. Ah, monde, Raymond est gelé, à tout le temps fret. Non, ici, on n'a pas froid au Québec, on a fret. Mais quand c'est très froid, c'est fret. Mais quand c'est juste froid, c'est froid. Quel est froid? Oui. On est compliqué ici, mais c'est. Hey, allez vivre en Belgique. Moi, j'ai vécu là combien de temps? 6 ans. Puis quand tu manges une... Oui, quand tu manges une mitraillette, fais-toi-en pas. Une mitraillette, pas une mitraillette, une mitraillette. C'est pas violent. Mais non, c'est une poutine dans une baguette, là. Tu sais, c'est... Ceux qui ont été visités, les Français, un peu comme espionnés. Pas visités, mais espionnés, Français. Ah ouais, eux autres, ils ont de la baguette. Mais tu sais, moi je te fais expression québécoise, là. C'est traduit en québécois, sous-titré en français pour les Français de France. Mais le Québécois comprend ce qui se fait en France au cinéma, mais quand le cinéma québécois s'en va en France, on est obligé, hein, de se mettre des sous-titres parce qu'ils comprennent pas. Ben non, c'est pas du français, c'est du québécois. C'est pas une langue, le québécois, c'est un dialecte. Vas-tu rentrer ça dans la tête de quelques personnes? Puis quand tu vas voir un film québécois en France, arrête de le sous-titrage. Si tu comprends pas, vas-y pas. La culture donne des ailes, c'est pour ça que le trois quarts des gens rampent. Tu te vides comme ça, ça fait du bien. Ça vide le trop-plein. C'est la goutte, non? Attends. Il y a une expression depuis quelque temps que je connais depuis longtemps, mais qui prend toute son essence, juste pour te... Oui, c'est celle-là. La goutte qui fait déborder le vase. Ça, j'entendais le monde comme ça dire ça. Mais là, je sais pas. Je suis rendu quand même à 23 ans. Je sors de l'université. J'ai fait, bien sûr, un bac. Pas un vert, pas un bleu. Un bac universitaire. Oui, donc... En philosophie, oui. Ah, Jean-Paul Sartre. Ah, ben oui, Simone de trop devoir. Non, Simone, c'est plutôt Simone de trop de devoir. Parce que quand je l'ai étudié, oui, nous avions beaucoup de travail et nous avions beaucoup de lecture et nous n'avions pas le temps de prendre le temps de comprendre. Donc, on nous gavait, comme tous les étudiants universitaires, pour devenir des étudiants... étudiants. Non, mais c'est... Non, je sais que c'est très fort en langage, peut-être un peu trop en compréhension, mais si vous prenez le temps de prendre le temps, vous comprendrez que ce que je vais vous dire, que je vous dis, hein, c'est du français. Oui, mais j'ai pas... On est occupé sur le budget. Ouais, normalement... Ouais, c'est ça. Règle générale, on a celui qui traduit, donc le traducteur. On a la machine aussi. La machine à traduire dans le temps. Et on a massacré. On a passé un choix de massacrer le mot traduire, le verbe traduire, traduire, je traduis, tout traduit, tout traduit, nous traduisons, vous traduisez, traduisez. Et au passé simple, le verbe traduire au passé simple. Oh là là, hein? Le verbe traduire au passé simple. Tu vas nous casser les oreilles avec ça, là. Ben oui, pourquoi? Ben pas dans ce temps, pas maintenant, pourquoi? Ben parce que c'est pas le temps. Comment ça, c'est pas le temps? Qu'est-ce qu'il dit, c'est pas le temps? OK? Traduire, excusez-moi, j'enlève mon CD ici. Oui, CD. Alors, traduire, parce que pour avoir l'air intelligent, il faut que je fasse affaire avec mon ami traduire. Bien sûr, c'est du troisième groupe, hein? Au passé simple, qui n'est pas si simple. Passé composé, non, décomposé. Oui, est-ce que je peux avoir le passé décomposé de j'aime? Non, avoir su, j'aurais aimé. Avoir su, j'aurais tué. Non, c'est je tué, nous voulons, en tout cas. Passé simple. Non, on s'égare un peu. Les professeurs de français doivent se tourner la langue dans leur mouche et se dire, ah, mon doux Seigneur, que se passe-t-il? Traduire passé simple indicatif. Indicatif, oui, je suis très indicatif. Voilà. Alors, on y va, passé simple. Hein? Simple passé indicatif. Ah, oh, en anglais, on s'en balance. OK. Alors, passé simple, on y va? Je traduisis. Tu traduisis. Il, elle, traduisit. Nous traduisîmes. Vous traduisîtes. Ils traduisirent. Je le savais dans un temps. Oh mon Dieu, mais ça fait longtemps. On y va avec les exportés. Je peux aller travailler, m'acheter des exportés. Un, deux, trois. Moi, je pense que je vais aller à Calgary. Juste pour travailler. Y'a rien de là, de l'ouvrage en masse, mais trouve-toi une place à rester. Y'a des belles appartements, y'en a d'autres qui ressemblent des quins. Mais y'a rien de là, plus dans 6 mois, j'marie une belle trentaine. Ouais, j'pense que j'vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être me les demander. Pense que je vais descendre dans le sud, là-bas jusqu'à Moncton. Aller à l'université pour me chercher du fun. Y'a rien là que déjà été, j'connais bien le chemin. C'est rien que des maudits Québécois qui se pensent acadiens. Ah, j'pense que je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être des Rotman. J'ai des chums qui restent pas loin d'ici, dans le bout de Tracadie. C'est pas le premier gros job, eux autres connaissent la vie. Les femmes sont smart, pis sont belles, j'pense qu'ils sont fortes. Y'a là au magasin avec le car, pis faut qu'ils barrent les portes. Bah, j'pense que je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être ben des partis. Oui, Raymond, on nous a demandé d'enchaîner sans se déchaîner. Quoi qu'on peut se déchaîner, là, hey, c'est le temps de se déchaîner. Pourquoi? Ben, c'est l'errance rénaldienne. Oh, je pensais que tu croyais. Non, je crois rien. On y va. OK. On peut danser autour de ces exportés. On peut danser aussi autour de l'amour ou on peut danser. Autour de la dinde, avec du rouge à lèvres dessus, là, ma tante, oh mon Dieu Seigneur, hein? Les skis, la neige, le bain, le lit, puis la lave est dans ses feuilles, malilon, malilé, vas-y. 1, 2, 3. C'était le temps de la chanson. C'était le temps de la rigole, où tous les hommes se trouvaient si sérieux, et que les dames... Les enfants... Attends un peu, c'est ma chanson, moi, là. Hey, pars pas, toi. C'est moi qui pars. OK? On y va? Hein? Et que ces dames recherchaient le chanteur, mais de les jours et de les jours des nuits, on est béni de Saint-Exupéry, le petit prince. Des enfants, de nos enfants. Excuse-moi, là. Caillouche, j'ai été gentil, là. On va te dire, là, je suis un gars très aimable. Très aimable aussi. Ça fait que je t'ai laissé du temps d'antenne. J'ai chanté un petit peu, j'ai fait le rigolo, j'ai tenté de faire le rigolo raguilé. Mais là, ce qui se passe, c'est que je voudrais, sous ta belle musique, placer mes paroles. Est-ce possible, mon caillouche? Dis-moi ça dans l'oreillette, moi le dire au monde. C'est pas possible. OK. Donc, j'ai combien de secondes pour faire une petite improvisation? Oui. Une petite. Comment ça pour le... Oui. OK. Non, je te coupe pas. Moi, juste faire une petite... Tu sais, m'en faire... Pas une genèse, parce qu'une genèse, c'est le début. Oui, c'est ça. Je vais ouvrir ta chanson. Sans la massacrer. Tu vas voir. Je te laisse la chance de le faire. Ah non, j'adore ton... Hey, écoute, je t'ai vu à 8 reprises. Ben, je veux dire 8 reprises dans ma tête, là, parce que je t'ai jamais vu en spectacle. T'es jamais passé chez nous, là. Je t'ai invité dans mon salon pour enregistrer avec toutes mes... Hey, moi, j'ai un studio maison, moi, là. Même les grands professionnels, Bob Dylan. Attends, Bob Dylan, avant-hier. Hey, juste l'avant-hier, le 23. 23, Bob, parce que c'est un grand francophone, c'est un francophile, lui, là, il embrasse la langue française autant que le pape Jean-Paul II embrassait les sols. Le sol, les sols, les sols, les sols, les sols, les sols, les sols. En tout cas, il embrassait bien du monde. Bob Dylan aussi, il embrasse du monde. Oh, mon Dieu, mais du monde qui... Il mesure un peu la portée de sa bouche. Et puis là, il m'appelle, il me dit, « Rénal, je dis, oui, Bob, il dit, moi, ça va pas dire bien. » J'ai commencé, il dit, « Mes chansons, mes disques depuis quelque temps, là, ça sonne cacane. » Il dit, « Peux-tu aller faire ça chez vous? » Ben, j'ai dit, là, je sais pas, là, j'ai deux émissions en cours, là, en cours d'école. Et j'ai dit, « T'écoutes mon émission? » Puis, faut dire aussi que Bob Dylan écoute Errance Rénaldienne depuis au moins 15 ans. 5 ans avant, là, il était suicidé. Il sniffait de la mouche, puis là, depuis ce temps-là, il rigole pour rien, puis il se regarde dans le miroir, puis il fait des sauts, il se dit que c'est ça sera ça. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, moi. Fait que là, je dis, ben écoute, regardez l'horaire. L'horaire de mon studio, parce que là, il y a tellement de monde qui va aller là. Hey, il y a Daniel Boucher. Daniel Boucher, lui, il m'appelle, il vient tout le temps. Il vient toujours. La porte est ouverte. Grande ouverte, là, et puis il prépare 3 albums mythiques qui sont pas encore sortis parce qu'il est pas encore venu. Il a pas trouvé l'adresse. Mais il s'en vient. Il m'a dit, je suis en calèche. Bon, ben, je prends le temps que ça prendra. Il dit, ouais, mais c'est en calèche, mais pas avec des chevaux. Arrête donc, c'est pas des chevaux. T'es né en 90, on dit des chevaux. S'il y a un enfant dans mes... pardon? Non, mais si je rencontre un enfant, c'est 18 ans et moins un enfant pour moi. Fait que si un enfant me dit, « Hey, est-ce que tu connais des chevals? » Là, je vais y réexpliquer. Écoute-moi, là. C'est pas des chevals, c'est des chevaux. Chevaux. En tout cas, bref, tout ça pour dire que je vous présente tout ça, hein? Quand même, j'ai une petite introduction, mon caillouche, puis voilà. Puis mon studio d'enregistrement est libre pour certains artistes. Bon, il y a Bob Dylan, il y a mon ami Daniel Moucher. Daniel Moucher! Et puis plusieurs autres. Hey, Kate Kuna, il rêve de passer à mon studio de la rue des Abbesses. Parce que tout est... Puis là, je fais pas ça...

ça va bien toi? Oui, ça va. Allô, Jérémy. Désolé pour le retard. Pas de soucis. Désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, pas de soucis. Ah, désolé. Normalement, j'avais mis ma sonnerie, mais ça n'a pas sonné. Heureusement, je reste pas très loin. Hein. Je reste juste ici en bas. Alors, j'ai sauté dans mes baskets et me voici. Oh! J'ai ça. Mais j'ai pas compris. Du coup, tu vis en France ou tu vis au... Au Québec. Tu vis au Québec? Oui. D'accord. À Québec. OK. Donc, deux fois par année, en février puis en juillet, je viens ici rencontrer des artistes. Puis après ça, ben, je ramène ça chez nous. Je planifie ça sur mes horaires et je diffuse ça à mon émission. D'accord. Donc, je fais en moyenne une bonne quarantaine de rencontres. C'est très très concentré, puis c'est au suivant. Mais là, hier, je l'avais mis à 8h du matin, mais ma sonnerie n'avait pas été activée. Donc, peut-être que ça a vibré, mais ça n'a pas sonné. Ouais, non, mais il n'y a pas de... Bon, ouais, mais parce que je ne pas bien ça. J'attends un truc. Je suis arrivé de bonne heure, moi. Donc, à quelle heure? Je suis arrivé à 7h30. Oh! Tu restes en banlieue, toi? Alors moi, je suis de banlieue. Oui. Et j'habite à la campagne. Oh, c'est merveilleux. Bonjour. Un jus d'orange. Merci. Oui, s'il te plaît, oui. OK, en campagne, donc c'est la liberté? Ouais, ouais. C'est un luxe? Ouais, maintenant, oui. Ouais. Pourquoi maintenant? Avant ça, c'était plus de... Bah, c'était moins... Les gens avaient plutôt tendance à aller dans les grandes villes. Ah oui, ben oui, oui, voilà, oui. Il y avait le travail, pour la culture, enfin voilà, pour tout un tas de raisons, quoi. OK. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a un retour. Voilà, un retour. Enfin, pour ceux qui peuvent, parce qu'après, voilà, il faut toujours avoir les moyens de pouvoir s'installer ou trouver un lieu. Pas trop cher. Aussi. Ouais. Mmh. Ouais. Bah, ceux qui partent, enfin, surtout depuis le Covid, il y en a beaucoup qui sont... Ça, c'est vrai. Chez nous aussi, hein. Ouais. L'exode des grands. C'est ceux qui étaient déjà propriétaires et qui pouvaient revendre sur Paris ou dans des grandes villes et puis l'acheter en province moins cher. Mais c'est un choix. C'est difficile d'habiter en campagne dans la mesure où là, tu t'éloignes des rencontres que tu peux faire, des musiciens, des salles de spectacle. Mais c'est un endroit aussi extraordinaire pour composer, pour... C'est ça. Donc, s'il y a... Moi, j'ai conservé les deux, en fait. Je suis à la campagne et quand je reviens, vu que j'ai ma famille et mes amis, donc je suis originaire de banlieue 93, quoi. Okay. Donc, j'ai les deux. OK. Donc, je suis dans un univers d'immeubles, de béton, d'urbanisation de la banlieue. Ouais. Voilà, et des quartiers et tout ça. Et Paris, et puis et la campagne. Mais... quand on dit campagne, on peut aller très très loin dans la campagne, on peut s'éloigner comme on peut aussi se trouver au tout début pour pouvoir faire des liens rapides. Ouais. Et toi, est-ce que ça a été difficile de choisir ou ça s'est emboîté tout seul et tu n'as même pas eu à te poser des questions si ça coulait de source que tu devais quitter? Ouais. Un ras-le-bol aussi de la ville? Non, c'est une nature, je pense que j'ai une nature solitaire. Ok. Et le paradoxe, c'est que j'ai cette nature solitaire, mais je suis aussi un être social. Donc, il y a les deux. Quand on grandit, moi j'ai grandi en banlieue, donc j'ai quitté le collège très tôt, donc voilà, j'étais ce qu'on appelait les délinquants dans les années 80, donc on traînait. Voilà. Donc je suis un être social, inscrit dans la société, mais en même temps j'ai cette nature qui date de l'enfance, qui est plus solitaire, voilà, plus en communion avec la nature et tout ça. Moi, j'étais très... très très sur l'écologie dès l'enfance. Oh, c'est bien ça. Alors voilà. Tu as été interpellé avant plusieurs sur les enjeux. Dans les années 70, c'était pas... Moi je suis de 71, donc c'était pas... voilà, c'était... C'était pas le Cisco que l'on utilisait. Ça passait pour inaudible, on va dire, dans les médias, ou voilà, parce qu'il fallait... on était dans la période où il fallait consommer... Enfin, voilà, c'était... fallait consommer... On sentait pas l'urgence à cette époque-là. Non. Aujourd'hui, oui. Oui. Et donc, il a été sensibilisé avant bien d'autres. Ouais, ouais. À ces enjeux-là primordiaux. Ouais. Parce que forcément, quand on devient adolescent ou jeune adulte, à l'époque, je m'en rappelle, on se rendait compte que c'était vain en fait, ça suivait pas. Ouais. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je vois des jeunes qui, voilà, c'est différent. C'est vrai. Mais nous, sur ma génération, quand on est arrivé en 91, 92, on a tous décroché, enfin on s'est dit, bon. Sauvons la planète, c'était mort, quoi. Ah ouais. Donc on est parti. Moi, j'ai milité dans d'autres trucs, mais. Et c'est ça, voilà, c'est le paradoxe. Moi. J'aime ce côté, voilà, où je suis solitaire et j'ai besoin de cette solitude, ouais. D'être très peu entouré. Et puis le moment où, voilà, la banlieue, les quartiers, la musique. Est-ce que tu te sens, toi, un homme très, très, très, très politisé depuis le début? Ouais. Ouais. Ouais. Engagé? Ouais. Et est-ce que tu veux traduire ça à travers tes chansons ou par contre, c'est plutôt un enjeu qui est personnel et non pas artistique? Ouais. C'est pareil, c'est coupé. C'est-à-dire que... En tant qu'auteur de chansons, mes chansons... d'autres choses, même si en fait on est entouré que de politique, donc il y a toujours, même si tout on parle de temps ou de, enfin voilà, il y a des relations, mais j'évite en fait de rentrer dans la posture militante par la chanson, sinon ça peut devenir lourd, c'est ça, ouais, puis c'est surtout que pour le faire, il ne faut pas être dans la posture. Et le problème, ouais, c'est que souvent, le militantisme dans la chanson, ouais, ça relève de la posture. Enfin, c'est pas une généralité, mais souvent. Ça fait du Colette Magny, des chanteuses un peu plus engagées. Voilà, là on est Jean Ferrat. Oh, voilà. Mais si c'est pas Saez, pour moi c'est de la posture. Enfin, voilà. Ou Orelsan dans le hip-hop, c'est de la posture. Ouais, ouais. C'est, même Noir Désir, il y avait un côté de posture dans le côté texte de Bertrand Cantat. Ouais, ouais. Mais pour moi, il y a toujours ce truc un peu ambigu. Où, le rebelle, on va dire, rock, a ce truc un peu. Voilà, qui me pose un peu problème. Après, j'écris un livre en ce moment. Là, émerge à l'intérieur, en fait, ce que je peux développer dans mes chansons, mais il y a aussi la partie politique, enfin sociologique. Donne des idées. Voilà. Et après, mon engagement, il va. L'été dernier, j'ai milité pour défendre une parcelle. Il y avait des arbres, donc, 55 arbres qui ont été abattus au final. Voilà, on est dans cette problématique. Et c'est fou, hein, même si on prend position, comment les idées sont arrêtées pour certaines personnes, ouais, quand même si tu te retrouves 200 individus à réclamer que tout ça reste, eux, sans valeur, c'est perdument, ils vont quand même continuer leur cheminement, comme si on te laissait quand même la place au militantisme, mais tout est signé d'avance, tout est déjà préparé, tu peux même faire ce que tu veux, on va quand même y couper tes armes, mais pour bien paraître, on va t'écouter entre guillemets, mais l'enjeu est déjà prévu. Et... Ouais, le foncier, ouais, c'est fou. C'est depuis... Depuis qu'on a urbanisé les villes, quoi. Dans les années 60, quand on a commencé à construire les barres d'immeubles, moi j'ai ma mère qui était en cabinet, enfin qui travaillait en architecture. Mmh. Et moi quand j'étais enfant, on avait les plans à la maison, parce qu'on a travaillé avec des sociétés qui ont développé la banlieue Est, Montreuil, Bagnolet, les Lilas, Loisy-le-Sec. Et je me rappelle, à la maison, on avait les plans. Moi, 6 ans, 7 ans, on avait les plans. Okay. On voyait, en fait, elle avait même prévu déjà, c'est-à-dire qu'ils avaient ce qu'on appelait, pas des rhodoïdes, mais comme des calques. En fait, on avait le cadastre de base, et puis au fur et à mesure, s'ajoutait, en fait, ce qui allait être construit. Enfant, je savais déjà ce qui était en prévision dans les 10 ans à venir sur la banlieue Est, proche Paris, quoi. Et à l'époque, c'était des beaux. Enfin, vu que c'était l'Est parisien, donc ce qu'on appelait la banlieue rouge. Donc c'était en plus des cabinets d'architectes, souvent liés au Parti communiste. Donc Parti communiste qui était censé être plus bienveillant auprès des, on va dire, des classes populaires, finalement faisait de l'urbanisation de béton. Et ça n'a pas changé, parce que Bagnolet n'est plus communiste, mais il y a toujours quand même une forte base communiste. Et, Montreuil est communiste. Montreuil ont rasé, pareil, des arbres à l'automne. Donc, Tu reviendras près des falaises. Tu attendras que le temps se lève. Dans ta bouche, des petites briques pèsent. Le monde a perdu sa part de rêve. Tu te diras, la vie est belle. Tu le crieras même en colère. Dans ta bouche, il y a des étincelles. Les caries de la salpêtrière. Longue, mais tendre est la nuit. Tu dois dormir. Toute la pluie. Parfois sans rire. Tu descendras vers les galets. Tu retrouveras de simples gestes. Dans ta bouche, le goût en revenait. l'océan ses bouteilles ouvertes. Tu connaîtras bien d'autres plaines, tu les verras fleurir sans cesse. Dans ta bouche, il y a aussi la mienne, ton héritage, le feu aux fesses. Longue, mais tendre est la nuit. Tu dois dormir. Tombe toute la pluie. Parfois sans rire. Longue, mais tendre est la nuit. Continue en fait de construire, il continue de d'avoir les projets les plus fous, la densification, enfin voilà, c'est un truc de... Mais ce qui est bien, c'est que tu parlais, on parlait tantôt de gens qui étaient très très politisés, Renaud en était un, puis Banlieue Rouge, c'est une de ses chansons, de Marche à l'aune. Ouais. Tu parlais de Banlieue Rouge, si je le connais, c'est à cause de la chanson de Renaud. Ouais. Donc, même à travers les chansons, on peut revendiquer et on peut ouvrir les horizons des auditeurs, des amateurs de musique. Donc, c'est une bonne opportunité et une façon de dire ce qui va pas dans la société. Hein. Et toi, c'est qui t'a incité ou amené ou, à faire de la musique? Étais-tu un enfant de la balle? Avais-tu des parents musiciens ou amateurs? Non, du tout. C'est, par contre, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Quelle sorte de musique? Mon père était plutôt Ferrat. Mon père, ça pouvait aller de Jean Ferrat à Eddie Mitchell, génération des années 60, hein, les baby boomers nés début des années 50. Quoi. Et vu qu'il était dans une famille qui était assez communiste, donc Jean Ferrat était la figure tutélaire du parti communiste. Donc il avait ce truc de pouvoir passer de Jean Ferrat, très engagé, à Eddie Mitchell, plus léger. Enfin, même si Eddie Mitchell a des chansons sociologiques, il rentre pas ce soir. Il y a des constats sociologiques dans certaines de ses chansons. Mais ça fait plus variété, donc c'est moins lourd, c'est moins enfoulé. C'est le côté crooner, quoi. C'est ça, mais c'est beaucoup moins enfoulé que Jean Ferrat. Bien sûr. Ouais. Jean Ferrat, c'est beaucoup plus revendicateur. Il écoutait aussi. Cosimon. Ah oui, oui, oui. Cosimon, Mouloudji. J'avais ça enfant, ah et oui. Ma mère, elle écoutait, elle était plutôt musique, rhythm and blues, c'était Otis Redding. Les racines de la musique. Marvin Gaye, voilà. Okay. Et en France, elle écoutait la variété de l'époque, donc Julien Clerc, Alain Souchon. Donc j'ai quand même entendu toutes sortes d'influences. Ouais, c'était très ouvert, parce qu'il y avait aussi de la musique classique. Ça, c'est la belle base, ça, la musique classique. Donc, c'était pas Sardou, c'était pas Claude François, c'était pas, on va dire, la grosse variété populaire. Moi, en fait, ma mère lisait beaucoup aussi. Donc, moi, on m'a collé des bouquins dès l'âge de 6 ans et on m'a acheté des 45 tours. C'était la belle époque, des 45 tours. Ouais. Donc, dans les premiers, il y a eu Barbara. Barbara, ça a été un choc. Quoi. Vu que je lisais déjà, à partir du moment où j'ai su lire, je passais des bandes dessinées, on va dire, Tintin à... Hey, aux paroles, aux chansons. Livres, voilà, et aux chansons. Donc, je trouvais déjà, en fait, dans l'écriture, dans l'interprétation, dans ce que quelqu'un allait raconter, quelque chose, je disais, là on est ailleurs, on n'est pas, on n'est pas justement dans le tout venant, enfin voilà, le truc qui fait que... Dans le truc plus facile, la chanson. Ouais. Ouais. Mais au même titre que l'écologie était impopulaire dans les années 70, Barbara était pas très populaire. Non. Voilà, c'était, non. Elle était reconnue, mais elle montrait pas. Elle cartonnait pas autant que, je sais pas, les Sheila. Enfin, voilà, les trucs. Oui, mais c'était beaucoup moins superficiel aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis au début, elle chantait même pas ses textes. Elle chantait Gainsbourg, elle chantait Brassens. Ouais. C'est après qu'elle s'est mise au crayon. Et toi, à quel moment t'as voulu te placer devant une feuille blanche pour raconter des histoires à travers des chansons? Moi, ça a pris beaucoup de temps. Alors après il y a eu l'échec, après il y a l'adolescence, donc ouais. L'adolescence, il y a TFN qui arrive, donc TFN c'est une ouverture, enfin voilà, il ouvre. C'est-à-dire que moi j'ai déjà en fait des bases, on va dire. J'ai déjà de la poésie à 12-13 ans, je suis déjà dans Céline, dans... Oh. Voilà, donc... déjà... pas de base quand même. Ah ouais, j'ai déjà... Ouais. Et TFN, il va clac-clac déverrouiller d'autres choses. Ouais. Donc là, je me dis, waouh, choc. Et il y a Renault, on écoute en banlieue, téléphone, Trust. Ouais. Les Clash, punk rock. Et ce qui était bien, c'est que... là où j'ai grandi, donc en banlieue, donc, j'avais des potes qui avaient des grands frères qui étaient plus vieux, parce que en fait, c'est ce qu'on appelait la deuxième génération, les enfants qui étaient arrivés d'Algérie, machin, tout. Et eux, ils étaient déjà, ils avaient 20 ans, 22, 23 ans, donc ils étaient déjà, c'était du jazz, du funk. Donc, c'était déjà de bain. Ouais, donc quand nous on arrivait chez les grands frères, ils nous disaient, ah bah tiens, tu connais ça? Bah non, donc ils nous prêtaient leur vinyle. Oh, voilà, écoute. Nous on rentrait, on l'écoutait, donc on avait un cocktail énorme de choses diverses en fait. Donc tout ça en fait a impacté. A commencé à titiller. L'écriture. Mais ouais. Après, moi ça a pris énormément de temps. Pourquoi? Parce que une méfiance du business. Voilà. C'est-à-dire que le côté système économique, tout ce truc-là, je m'en suis préservé. Voilà. Et du coup, j'ai fait des groupes. Okay. Et j'ai testé plein de trucs. J'ai fait du rock, j'ai fait du hip-hop. Ah bah 20 ans, hein, le hip-hop c'est pas mal. Enfin voilà, okay. toute une palette jusqu'à partir en province au début des années 2000, en 2004, je suis parti à Nantes pendant quelques années et après je me suis rapatrié au Mans et maintenant en campagne à côté du Mans. Et en fait le premier album il est de 2017. Salut, merci. C'est quand même assez récent. Donc ouais, ça a pris, mais parce que j'estimais que pour faire un disque, c'était pas seulement faire un disque. Voilà. Pour moi, j'ai beaucoup d'amis qui font des disques depuis longtemps et qui ont des cartons à la maison de 500 CD ou machin. Enfin, pour moi, c'était pas la fin en soi. Voilà, c'était pas genre, ouais, tu fais un disque, c'est pour super. Faire un disque, voilà, ça n'avait pas. Fallait que... Il faut légitimer aussi. Ouais, qu'il y a la matière parce que forcément, enfin moi voilà, si je suis parti d'enfant de Barbara, que je passe à TFN, je mesure toujours un peu. Donc, Oui, on compare à ce qu'on entend. Voilà, donc je me disais, bon, faut quand même être à la hauteur des gens que j'ai aimés. Voilà, mais ça veut pas dire faire mieux ou c'est faire différent aussi, c'est-à-dire ne plus être une éponge. De ce que j'ai aimé. Donc avoir trouvé, on va dire, ton style, un style, une forme, voilà, quelque chose qui sort un peu dur. Oui, c'est ça, qui sort un peu des sentiers. Et je me suis en plus, il y a une trilogie qui s'est mise en place dans ma tête à ce moment-là. Donc je me suis dit, ok, je vais faire trois albums avec des albums très courts. Voilà, qui raconte quelque chose, quoi. En fait, ce que tu voulais dans ces petites chansons de 2 minutes, c'est un peu comme du punk, hein, c'est 2 minutes, une chanson punk, mais c'est on te l'envoie, puis après ça, tu l'absorbes. Puis, ce que tu as voulu faire, peut-être, c'est d'arriver à l'essentiel. Mmh. Et sans fleuriture, on va envoyer le message. Faut avoir envoyé l'histoire à raconter. Oui, c'est comme des lettres. Ouais. En fait, ce que je dis souvent aussi, c'est pas nécessairement mon histoire. Il y a une partie de moi dedans, ah, forcément, ben oui. Ben oui. De ce que j'ai vécu, de ce que je vois et tout ça. Mais c'est pas que moi. Donc, voilà, c'est un peu comme des lettres qui sont là. Le but, c'était voilà, de faire des albums qui aient du sens, ouais. Déjà pour moi. Et après, qu'ils puissent vivre. Mais la finalité, c'est-à-dire ce qui se passe après, c'est plus mort. Non. Une voilà. Fois que c'est lancé, c'est fini. C'est ça. C'est une bouteille lancée à la mer après. Voilà. Si tu t'es gouré dans quelques trucs, ben, t'es obligé de le garder comme ça, parce que bon. C'est fait. C'est contrairement au même titre, pas contrairement, au même titre que le spectacle. Si tu te trompes en plein spectacle, c'est pas grave, c'est du spectacle vivant. Tu peux m'expliquer l'erreur, tu peux raconter, t'as un public. Préfères-tu la scène ou le studio? C'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que j'aime bien le côté, parce qu'en plus j'ai cette chance de travailler avec un réalisateur qui a fait les deux albums, qui voilà, on a mis une quinzaine d'années. Donc j'aime ce côté laboratoire. Ouais. Et, parce que c'est pareil, j'ai des formats de chansons qui ne ressemblent pas au format de chansons classiques. C'est vrai. Donc il y a un côté un peu expérience, tu vois, c'est un peu le côté les Beatles, c'est le double album, où ils ont chacun expérimenté. Donc c'est un peu, bon tiens, qu'est-ce que j'ai sous la main, ah j'ai un harmonica, j'ai quoi, des petites baguettes, voilà. Donc il y a un peu ce truc-là. Après c'est le talent de Nicolas Dufournel, qui réalise les albums, de prendre mon costume un peu foufou et de voilà de rendre cohérent le truc, quoi. Donc lui il va faire un travail considérable en fait sur les chansons, vraiment. C'est le magicien de la musique. C'est un très très bon, très très rare en France. Ouais. Il y a ce qu'on appelle vraiment un réalisateur au sens pur du terme. Pur du terme, ouais. En France, on est plutôt dans les producteurs. Ouais. Familiar. que c'est une volonté de sortir des sentiers battus en faisant un cadrage musical qui rentre plus dans la tradition de la chanson? C'est à dire, en 2023, on voit que tout est homogène. Ouais, ah oui. Voilà. Moi j'amène le côté qu'il y avait autrefois, c'est-à-dire ce côté complètement pas dispersé, mais quand on prenait un album de Jacques Higelin, même de voilà, TFN, il y en a un titre qui était reggae, un titre qui était chanson, un titre qui était punk, un titre. Voilà, c'était. Une chanson pouvait faire 8 minutes, une pouvait faire 2 minutes. C'est vrai. Il n'y avait pas de règles en fait. Non. Le principe c'était on fait un album qui. On faisait pas un album pour faire un tube. Exact. Enfin, par ceux qui faisaient vraiment voilà, les variétés, mais. Même moi, je suis un fou de David Bowie. Ouais. Nous aussi. David Bowie, il y a pour moi, les plus grands albums de Bowie, c'est des albums. C'est pas, y a pas des concepts pour faire un single. C'est pas formaté. Non. Non, il y a vraiment une introspection, en fait. Il y a une réflexion intellectuelle. Comme Gainsbourg avec l'histoire de 1900, qui dit 7 minutes. Ouais, qui à l'époque, c'est pas vendu. Maintenant, c'est un album culte, mais à l'époque, il en a vendu peut-être 200. Enfin, je crois que les chiffres étaient vraiment ridicules par rapport à ce qu'il vendait quand il faisait une chanson pour une chanteuse. Voilà, quoi. Et surtout que l'album, dans sa globalité, durait 26 minutes. C'est très rare. Ouais. Aujourd'hui, on veut au moins 45 minutes, on veut des chansons 3 minutes. Oui, on comble. Ouais, c'est ça. On comble, mais ça, c'est le CD qui a permis du fait qu'il y avait les 75 minutes allouées au format. C'est vrai. Ils se sont mis à blinder les trucs. Moi, ça c'est un truc. C'est fou. Hein. Je me dis, mais comment on peut avoir la prétention de penser qu'on a 75 minutes de bon à dire? C'est comme si dans la vie, quand on discute, on pouvait pendant 75 minutes dire que des choses intelligentes. Ouais. Bah non. Donc à l'époque, quand ils étaient forcément par le format du vinyle qui était plus court, parce qu'il y avait deux faces qui ne pouvaient pas mettre autant de musique, ils se concentraient, ils se disaient ok, on va virer ça parce qu'on va essayer de mettre le meilleur. On épurait. Bah oui. Il faut arriver à l'essentiel. C'était les limites du format. Voilà. On sait que les titres avec les basses, par exemple, on les mettait en début de phase parce que les stylos étaient plus larges. On mettait les choses plus calmes, vers le fond. Enfin voilà, donc il y avait une construction en fait du disque en lui-même. La technicité. Ouais, alors que là, c'est. Surtout maintenant, on va dire, quelqu'un il est à la maison avec un ordinateur portable, il peut faire ses sons, faire un CD et mettre 75 minutes de son. Ouais. T'as 15 chansons, enfin moi je décroche quoi. C'est du rapissage aussi. Ouais, j'écoute pas des albums de 11-12 chansons, enfin je trouve ça déjà trop quoi. Je me dis mais non, mais il y en a toujours 2-3 qui sont moins bonnes, et du coup t'écoutes plus le disque, parce que t'as pas envie de. Ou alors après faut faire des compil. Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, eux, qui consomment en streaming, MP3, voilà, consomment pas des albums. Non, donc, mais c'est ce qui est dommage peut-être aussi. Je suis pas jeune, donc je peux pas. Ouais. En fait, je peux pas me mettre à leur place, je peux pas savoir si c'est bien ou pas bien. Par contre, je pense que dans ma génération, ou un peu plus jeune, à partir de 35 ans, voilà, donc qui ont connu le CD, le vinyle. Ouais, c'est ça. Puis là, mais c'est le retour du vinyle. Donc voilà, je comprends pas. Enfin, j'ai des amis qui font des albums, et ah tiens, t'écouteras Jérémy Kou, il y a trop de titres. Voilà, je me suis dit à chaque fois, faites plus court, quoi. C'est comme une conversation, quoi. Essayer d'abréger. Après, je pense que peut-être c'est aussi une manière de dire bon, on va vendre un CD, il va coûter 15 ah, balles. Ouais, ouais, donc ouais, ouais. Voilà, il faut donner pour l'argent quoi. Après, moi, c'est pareil, je dis bah, moi je pense en donner pour l'argent, au sens où j'en mets moins, c'est plus court. C'est moins, il se passe des choses quoi. Donc je pense qu'on peut y revenir. Et puis le Nicolas, avec qui je travaille, on a ce truc en commun de pas temporaliser en fait le disque. C'est-à-dire que on peut se dire qu'il y a des sons, hein, ça fait penser aux années 70 ou aux années 80 ou 90, parce qu'il y a aussi un peu d'électro des fois dissimulé. Donc ça ne le marque pas dans l'air du temps. Ouais, ouais, c'est voilà. Ça. Donc je le dis, c'est un album dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut l'écouter. C'est intemporel. Voilà, il sent comme les blessures. Melody Nelson. Nelson, on l'écoute aujourd'hui, on se dit pas oh, c'est daté, machin. Alors que les trucs qui étaient dans l'air du temps, ouais. Cartonnaient à l'époque, aujourd'hui ça paraît ringard. Enfin, là, moyen d'âge, c'est ça, poussiéreux. Si tu écoutes les blessures de ta chambre, tu te rends compte que c'est encore extrêmement actuel. C'est super fort ça. C'est un disque qui a vraiment pas fonctionné. Ouais. De toute façon, dès l'instant que tu vas chercher quelque chose d'autre. TFN, t'as un album que moi mon préféré, c'est Alambic Sorti Sud. Donc c'est vraiment l'album. Ça, c'est les années 80, je crois. Ouais, 85. Ouais. Mais ça doit être juste après Les Blessures, je crois, de Dachau. Où t'as 7 titres. Alors là, pour le coup, il n'y a pas un titre qui est sorti en 45 tours. Hyper cold au niveau du son, enfin c'est hyper synthétique et tout. Tu te dis, mais c'est monstrueux un album comme ça. Quoi. Les mecs, ils ont. Cette intelligence de chercher, d'utiliser le studio comme un labo, de faire voilà, si je mets un peu de rouge là, qu'est-ce que ça fait, je mets un peu de bleu, machin et tout. Après ils ont la maîtrise parce que c'est des bons, ils sont déjà plus inscrits dans un courant, voilà, ils vendent des disques et tout, il y a un cheminement de carrière qui se fait à l'époque, ce qui est plus compliqué aujourd'hui. Vous posez la question sur la scène, j'adore la scène, mais. Faire de la scène quand t'es pas connu, c'est hyper compliqué quoi. Si t'as pas de tourneur, tu t'inscris. En plus, alors moi je suis identifié dans la chanson, mais dans une partie de la niche chanson qui dit ouais mais non, c'est une chanson trop rock, pas trop, trop bizarre. Ouais. Et voilà, et dans le rock, c'est trop chanson. Enfin voilà. Oh, oui, donc j'ai une amie qui s'appelle Pauline Dran, qui est chanteuse, que j'avais invitée en duo sur le premier album. On en parlait une fois tous les deux parce que j'adore sa voix, j'adore la personne, j'adore son disque, enfin les disques même qu'elle a fait. Je disais, on est des satellites en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccroché à une niche, on n'est pas raccroché à une écurie. Voilà, on évolue, on fait de la chanson, mais de la chanson comme avant, c'est-à-dire qui est multiforme, qui est pas. Vous êtes un spot. Fixé. Ouais, ça. Indéfinissable. C'est plus riche en tout cas parce que tu ne rentres dans aucun carcan, tu t'obliges à rien, c'est un peu une liberté absolue de style. Ouais. Mais je me prononce en Pauline, mais je pense qu'on est vraiment. Enfin, tous les deux, on a ce truc de solitaire, de distance aussi avec l'image. Et même si on chante, donc, on a ce truc d'aller sur une scène. C'est pas la France. En fait, c'est pas notre vie, quoi. Ouais. Voilà. La vie, elle est aussi ailleurs avant tout, quoi. C'est vrai. Donc, elle n'est pas que fixée là-dedans. Et du coup, il y a un détachement, ce qui rejoint encore un autre paradoxe, où il y a ce truc de détacher et en même temps de le faire. Ouais. Parce que, mais souvent, enfin, moi, je me suis. Gérard Manset n'a jamais fait de scène. Et souvent, je me suis posé aussi cette question de me dire. Est-ce que je deviens un artiste studio? Est-ce que voilà, je fais des albums et je ne fais plus de scène, quoi. Ce qui fait que ça me dégage un temps de recherche, de contrôle, de concentration pour faire des concerts, travailler les concerts, machin, tout ça. Donc c'est un temps. Ouais. Je me dégage de ce temps-là et je peux faire autre chose. Mm-hmm. C'est une question qui peut se poser parfois, quoi. Surtout là, avec ce qu'on a vécu pendant 3 ans. On a vu que la C'était déjà qu'avant, hein, qu'on voyait que la culture c'était bon. Mais le reste, après ça, ça n'a pas aidé, il n'y a rien qui a aidé là-dedans. Mais là, bon, je dis bon, ouais. De l'élan, du bouche à bouche fragile, de l'escale, de l'hiver qui nous maintenait serrés, immobiles, près de ceux qui cavalent. Je revois dans nos yeux les fusibles, le moindre fil, sans jamais nous faire mal. Ce n'est pas aussi haut, ce n'est pas aussi loin, ça ira bien jusqu'au féminin. Souviens nos secousses électriques, les grandes villes glaciales. Nous avons pris la mer, voguant pour un asile, vers la fêlure idéale. Je revois dans nos feux la folie, y est aucun profil, bercé par nos voiles. Ce n'est pas aussi beau, ce n'est pas aussi loin, ça ira bien jusqu'au féminin. Rien oublié des moments de bouche à bouche fragile, animal, et la mer nous maintient la serrée d'île en île, au creux des intervalles. Ce n'est pas aussi haut, ce n'est pas aussi loin, ça ira bien jusqu'au. Ce n'est pas aussi haut, ce n'est pas aussi loin, ça ira bien jusqu'au féminin. Bon, j'aime jouer aussi, j'aime bien faire des concerts. Parce que tu peux modifier ta chanson, tu peux l'agencer avec le groupe avec qui tu te trouves, tu peux même, si t'es acoustique, ramener ça à l'essentiel, guitare-voix, c'est cette force-là de pouvoir reprendre la chanson et lui redonner vie. Ouais. Après, c'est, en plus, moi, dans mon cas, c'est particulier, parce qu'on est dans une époque où, justement, les concerts, c'est compliqué. Ouais. Moi, je fais des albums hyper arrangés. Ouais. Où il faudrait être au minimum 6 ou 7 sur scène. Voilà. Donc là, on est 4, des fois 3, mais bon, la formule, c'est 4. Et déjà, c'est quelque chose, ouais. Ça minimise déjà, voilà, ouais. Pour proposer une formule à 4, c'est compliqué. Et ça minimise aussi les arrangements. Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a énormément de chœurs féminins dans le deuxième album, dans Exode. Il y a des violons, il y a plein de claviers partout. Donc c'est plus dur à ouais, faire sur scène. Ouais, c'est... En fait, j'ai la prétention de faire des albums comme il y a 40 ans. Ouais. Sauf qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui de pouvoir produire en fait, des projets comme ça, de cette envergure-là. Tous ceux que je connais autour de moi, ils tournent tous soit en solo, avec des machines, soit à deux, trois maximum. Ouais. Et que sur des sons électro, quoi. Des ordinateurs, des... Moi qui utilise que des instruments, des vrais instruments. En studio, il n'y a pas du tout de plastique dans ce qu'on fait avec Nicolas. Après, sur scène, on essaye d'avoir ça, c'est-à-dire un batteur, un bassiste, voilà. Dans les meilleures conditions possibles. Vraiment réel, voilà. Mais Mais ouais, c'est compliqué, quoi. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots lorsque tu écris une chanson? Là, je travaille un peu comme un peintre. Okay. C'est un peu le premier... J'ai l'écriture automatique, un peu. Ouais, mais le premier jet va pas... comment dire... Il n'est pas réfléchi, il n'est pas intellectualisé, en fait. Ok, c'est voilà, ça, exactement. C'est comme l'écriture automatique, t'arrives c'est avec... C'est ça part d'un coup, et la première phrase va déterminer l'ensemble. Ou des fois, ça va être le titre. Un titre va me venir, un peu comme un titre de tableau, ouais. Et le titre va déclencher, en fait, l'écriture. Après, dans ma manière d'écrire, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre énormément de temps. Ok. Voilà. Et donc j'ai un côté très chirurgical, enfin au scalpel, le truc, je sais pas comment sculpter, c'est-à-dire que je vais vraiment mettre. Donc ça peut, j'ai des textes qui peuvent fusiller un cahier entier. De reprises, de machin, de pour trouver. Parce que en plus j'ai une exigence dans mon écriture. Je vais. Alors c'est-à-dire que j'essaye de ne pas être hermétique complètement, mais il y a des clés. Ouais. Voilà. Et, un peu comme du Bachung. Ouais, mais oui, bah comme Barbara, Thierry, ouais. Bachung, Ferré. C'est souvent en utilisant les métaphores. Ouais, c'est pas nécessairement des métaphores. Je joue avec les mots, ouais. Mais en plus, j'ai une longue période hip-hop. Enfin, j'étais ouais. Dans le hip-hop, j'ai fait du rap avec mon petit frère dans les années 90. Donc j'ai aussi cette culture-là, c'est-à-dire de l'écriture avec les rimes croisées, ouais, les jeux de mots. Donc il y a ça aussi qui s'imbrique, c'est-à-dire qu'il y a ma culture littéraire, la poésie, tout ça, et ma culture de chanson française, et le côté urbain, punchline, ouais, et tout ça, quoi. Limite un peu théâtral, ce truc. Un peu à la Gainsbourg aussi, punchline. Ouais. Mais Gainsbourg, c'est ça aussi, il avait ce truc de alors moins, dans les débuts, il est plus dans une chanson, on va dire, académique, ouais. Classique et tout, mais à un moment donné, quand il se désimpose un peu, là. Il casse le... À partir de Mélodie Nelson, il fracasse le texte pour ne plus le chanter, même, c'est ça. Pour juste le dire. Ouais. Là, on sent qu'il y a une précision, en fait, dans ce qu'il va choisir dans les mots, en fait. Mais c'est que l'intervention de la phrase, ouais, je suis l'homme à tête de chou. Ouais. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est tout le génie, la beauté. Ouais. Il y a une chanson qui dure 7 minutes et quelques. Après, il y a une petite chanson de 2 minutes. Donc, il y a même un instrumental. Ouais. Quand Marie-Lou reçoit l'extincteur de 110, c'est instrumental. Ouais. Et tous les musiciens aussi, c'est des musiciens hors pair. C'est de savoir s'entourer des meilleurs pour pouvoir donner à la chanson la vibration la plus réaliste, la plus sensible. Je relisais il y a pas très longtemps sur Melody Nelson où ils expliquaient qu'ils avaient fini par trouver le mec qui avait fait les basses. Parce qu'à un moment donné, pendant très longtemps, ils pensaient que c'était un tel. Ouais. En fait, on sait que donc à l'époque où ils ont enregistré à Londres ou chez vous, c'était des mecs qui passaient, quoi. C'est vrai. Donc souvent c'était Jacques, tu peux venir faire une petite guitare, truc. Le mec il arrivait, bim, il prenait. Je sais pas, de $20 et puis il se barrait, quoi. C'est ça. Et le mec, il notait pas qui avait joué, quoi. Et il y a un peu de... Alors moi je sais qui joue, mais... Mais ça c'est de la magie. Il y a un peu de ça, moi, surtout plus dans Exode, parce que Manifeste, il y avait un travail que t'avais pas fait à la maison au préalable, mais... Mais là, c'est vrai que voilà, j'ai appelé des copines, des trucs. Tiens, j'ai besoin. Tu peux. Tiens, t'es là, t'es dans le coin, passe et tout. Donc voilà, il y a des trucs qui ont été. Lavilliers aussi. Lavilliers allait un peu partout au Brésil. Ouais. Il rencontrait quelqu'un, il ramenait un truc sonore, puis après ça, en studio, il remettait ça en. Ouais. C'est l'intelligence de prendre le meilleur de chacun. J'aime bien ça. Ouais. On fait plus ça aujourd'hui ou très très rarement. Ouais, et c'est dommage. Ouais. Parce que, en plus en France, on est. Enfin voilà, il y a ce truc de d'intermittent, ouais. de spédidame, d'anami. Donc les gens ils vont dire oui, bah non, il faut que je sois payé ou que est-ce que c'est déclaré ou machin ou est-ce que ça figure sur la fiche technique et tout ça, alors que moi par exemple je suis musicien et quand Nicolas des fois me dit tiens j'ai mon meilleur ami aussi donc qui vient faire les batteries machin tout ça parmi l'enfance des fois Nicolas il m'appelle tiens j'ai un groupe là qui enregistre, il manque un batteur, est-ce que tu veux venir? Et aussi il vient, il vient pas pour prendre un cachet, il vient parce qu'il fait de la musique, parce qu'il est musicien. Et c'est un truc qui s'est moins perdu, on va dire, dans les pays anglo-saxons, dans cette culture. On fait de la musique. Ouais. Les mecs qui font du jazz, ils s'en foutent. Ouais. Je suis batteur, je vais là. L'important, c'est jouer. Et peu importe qu'il y ait un cachet ou qu'il n'y en ait pas. En fait, c'est ça, c'est de la bureaucratie. Et en France, oui, c'est très. Bureaucratique, effectivement. On ne comprend pas des. Pour le cachet, pour faire 16 heures, pour pouvoir. Ouais, puis il y a un truc d'ego en France qui est hyper. Alors, on a tous un ego à partir du moment même qu'on fasse pas de la musique, dans la vie en général, on a tous un ego. Mais on va dire dans la culture, on sent qu'il y a un truc très un surmoi qui est très très très surjoué. Quoi. Ouais. Et ce que tu regardes avec le truc de posture aussi, on en parlait tout à l'heure. Quoi. Je fus mon père, si souvent loin derrière, celle soucieuse de me voir tant peu faire. À table sans une colère, rien à rendre, ni même à perdre, jamais les deux mains plus hautes, mon père. Il fumait dans ses sommeils les gangsters d'une grande organisation qui lui rendait l'appareil expédié dans les airs au souffle du canon. Sache, disait mon père, la voix d'un seul homme peut déplaire. Trompeuse est la force du solitaire. Du sable sur ses paupières, neuf pas vers la menthe dans la merde. Jamais un revient sans faute, mon père. Il buvait dès le réveil de l'eau claire. Le cœur s'emballait-il, un poil il se souvenait de la veille, que l'amour s'enterre, pas de l'enfant du bal, là-bas papa c'est le soleil, mais à quoi te sert de ne plus voir les saisons, pas un gosse ne se raye, et n'ira en enfer.